Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une pêche d'enfer. Vous êtes dans la Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Aujourd'hui, programmation exceptionnelle. Et oui, c'est la 40e, et oui, l'émission de la région. Au programme, des vieux sons, du nouveau et plein de titres en live. Parce que je sais que vous aimez ça, ça tombe bien, moi aussi. D'ailleurs, on va commencer tout de suite cette émission en live avec Rust in Peace de Megadeth. C'est sur l'album Rust in Peace Live, sorti le 7 novembre 2010. On retrouve aussi Techno Prisoner, Poison Boy The Cure et Tornado of Soul. Je diffuserai ensuite My Name is Mud de Primus, c'est sur l'album Pork Soda, sorti en 1993. On peut entendre aussi Welcome to This World, Native Boy et The Pressman, entre autres. On s'écoutera ensuite Comptez sur toi de Fast and Furious, c'est sur l'excellent Sort T'es couvert, sorti en 2014. On retrouve aussi En Orbite, Chercher l'instru et Saleté de moustique. Ça vous dit un bon vieux Jacob Miller? Ça tombe bien. Moi aussi, on s'écoutera Forward Ja Ja Children, c'est sur l'album Tenement Yard, sorti en 1980. On peut entendre aussi Money, Suzy Wong et All Night Till Daylight. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec AC/DC et Another Rock. C'est sur l'album Ball Breaker, sorti en 1995. Enfin là, c'est sur la tournée Ball Breaker de 96. On retrouve aussi Cover You in Oil, Boogeyman et Ball Breaker. We'll be right back. Friend of mine, 6 foot 2 and rude as hell. I gotta get him in the tu n'es plus là. On ne peut pas compter sur toi. 4, 5, 6, calculatrice. Tu pas tout fort à préjudice. Mais comment te faire confiance, inhiber ses méfiances. Tu changes la vie comme de chemise. T'es plus bancal que la tour de Pise. Wow, wow. J'ai de la merde dans les yeux. Wow, wow. Mais tu ne feras pas tout ce que tu veux. Je ne veux pas que tu me mènes. Pas le bout du nez, ni faire de moi ce qu'il te plaît. De vodka pour oublier tout ça, je bois 4, 5, 6 verres de pastis et ça me rend encore plus triste. Alors je bois du vin pour noyer mon chagrin. Je change d'alcool comme de chaussettes, encore un verre et puis j'arrête. Un peu d'eau fraîche, de soda pour éviter la gueule de bois et pour finir un alcool soir. Ça y est, je suis ivre mort. Oh, oh, oh. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Oh, oh, oh, oh. Africa must be free. South Africa, blood, fire, Rastafari. Forward, Jaja, Jaja, children. Forward, Jaja, Jaja, children. The time has come when we all should sing and to jah. Day after day, the children of Zion trying to reach out to you, but they're stopping us with their guns and brutality. Oh Lord, forward, Jaja, Jaja, children. Forward, Jaja, Jaja, children. Let's sing praises unto the Most High, Jah Rastafari. I and I Jah Rastafari. Rastafari, whoa, whoa, whoa. Yes, yes, yes, yes. Come on, man, man. Rastafari, I and I Jah Rastafari. Rastafari. Whoa, whoa, whoa. Yes, yes, yes, yeah. Come on now, now. Forward, Jah Jah Jah Jah children. Forward, Jah Jah Jah Jah children. Let's sing praises unto the Most High, Jah Rastafari. I and I, Rastafari. I and I, Rastafari. Whoa, whoa, whoa. Yes, yes, yes, yeah. Ooh, now, now, now. I never know, never know. Ooh. I said forward, Georgia children. Thank you. Vous êtes toujours dans cette spéciale 40e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un super bon bloc là. On vient d'avoir Rust in Peace en live de Megadeth, My Name is Mud de Primus, Comptez sur toi de Fast and Furious, Forward Judge a Children de Jacob Miller et Hard as a Rock en live d'ACDC. D'ailleurs, à propos de ACDC, il parle de mettre Axel Rose pour, vous savez, le chanteur des Guns N' Roses, pour remplacer Brian Johnson qui est en train de devenir sourd. Avant, il y avait Bon Scott. Bon, il est décédé. Mais avant Bon Scott, il y avait un autre mec. Pourquoi ils n'iraient pas le chercher, hein? Pourquoi pas? Il n'y a pas grand-chose qui existe de lui. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. On poursuivra cette émission spéciale en live avec Anthrax et In My World. C'est sur l'album Persistence of Time, sorti en 1990. On retrouve aussi Time, Keep It In The Family et Discharge. Un bon vieux Ramones, ça vous branche? Ok, je passerai I Can't Control Myself. C'est sur l'excellent Acid Eater, sorti le 1er novembre 1993. Et oui, c'est un album de reprise. On peut entendre notamment Out of Time, Somebody to Love et When I Was Young. Je diffuserai ensuite Brother Keeper d'Israel Vibration, c'est sur l'excellent On The Rock, sorti en 1995. On peut entendre aussi Mr. Consular Man, Love Makes a Good Man et Rebel For Real notamment. On s'écoutera ensuite un grand classique, Hardest Button To Button des White Stripes, c'est sur l'album Elephant, sorti en 2003. Je sais pas si vous avez écouté un peu, il y a une pub là qui l'a repris ce truc là. On retrouve aussi un autre classique sur ce superbe album Elephant, Seven Nation Army, et on retrouve aussi In the Cold Cold Night et Ball and Biscuits entre autres. Et on finira ce bloc en live avec Coxbarer et Toy Take Em All, c'est sur le Live and Loud sorti en 2001. On peut entendre aussi Watch Your Back, Working et le classique de chez classique Riot Squad. Hi, this one we didn't do too many times on the last tour, a couple of nights, and SOU pushed the hell out of this one for us. Ready? In My World. They're gonna put me in jail. Man, I'm already in jail. Don't they know that my life's just we

Again, you better get back to Vous êtes toujours dans la Vampire Freak spéciale 40e sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de se faire In My World de Prantrax, I Can't Control Myself des Ramones, Brother Keeper de Israel Vibration, The Hardest Button to Button de White Stripes, j'adore ce morceau, et Take Em All de Coxparer. On continuera cette émission en live avec le grand classique A House de Madness. C'est sur le sublime Madstock sorti en 1992. On retrouve aussi One Step Beyond, My Girl et Baggy Trousers notamment. Je passerai ensuite Take Control de Slayer. C'est sur l'album Repentless sorti en 2015. C'est du nouveau. On peut entendre aussi Repentless, Chasing Death et Pride in Prejudice entre autres. J'ai envie d'un coup d'électro. Ça vous branche? Un petit Skrillex? Ok, moi j'adore. Ce sera My Name is Skrillex, c'est aussi le nom du premier EP sorti le 7 juin 2010. On peut entendre aussi Do Da Oliphant, With You Friend, My Name is Skrillex, entre autres. Et on continuera cette émission avec The Abyssinian et Abendingo. C'est sur le cultissime Santa Masagana, sorti en 1993. On peut entendre Declaration of Rights, Forward Unto Zion et Good Lord notamment. Et on finira ce bloc en live avec Enhancer et Electroshock. C'est aussi le titre de cet album sorti en 2006. On retrouve aussi Hot, Street Playground et La Pression entre autres. Time for just one more, a little something from the Middle East. Shadrach, Meshach, and Abednego. They had no fear, no fear at all. It was Ixiabier, the Most God. It was God, let him be prayed. It was Ixiabier, the Most God. It was God, let him be praised. Sous électrochoc, prêt pour l'onde de choc. Dans les starting blocks, on ferait à plat. Sous électrochoc. Vous êtes toujours dans la Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne et c'est la spéciale 40e, l'émission de la raison. On vient de s'écouter A House en live de Madness, Take Control de Slayer, My Name is Skrillex de Skrillex, A Bendigo d'Abyssinians et on a fini en live avec Electroshock de Enhancer, Il arrache le Slayer, je l'adore ce Repentless. On poursuivra cette émission avec Dub Comme Quoi de Dubamix en live. C'est sur le sublime Pour Qui Sonne le Dub, sorti en 2014. On retrouve aussi le super Valsin Dub, Crisis et Le Monde Bouge. Il a mixé dernièrement en live lors des grèves parisiennes. Belle initiative, monsieur Dubamix. Tiens, je vais dédicacer le prochain morceau à Thierry qui nous écoute à Strasbourg. Il partage tout ce qui touche à cette émission. Merci à toi, fidèle auditeur et ami. Je passerai pour toi The Call de Supersonic. C'est aussi le titre de ce LP de 2015. On peut entendre Eya, ils viennent de faire un clip d'ailleurs, Eya, je leur partagerai sur la page, Ready to Rise et One Way Ticket. On s'écoutera ensuite un gars que j'adore aussi, c'est Be Now. Je diffuserai Come to the Dark Side, c'est aussi le titre de cet album de 2014. On retrouve aussi What the Fuck For the Rock et La Fée Yannée Sol de Montfort, elle me raconte des histoires pour que je m'endors notamment. J'ai une autre dédicace à faire, c'est à Jean-Pascal qui nous écoute à Draguignan via archive.org. Je passerai Néandertal, le GRM, c'est sur le super Et nous, on est où, sorti en 2014. On peut entendre aussi La vie, c'est rock'n'roll, No Comprendo et Rock Intimity. Les GRM sont dans le livre La France est rock de Pascal Pascali. Félicitations eux. Et on finira ce bloc en live avec Renaud et J'ai raté Téléfoot. C'est sûr, un Olympia pour moi tout seul sorti en 1982. On peut entendre aussi Où c'est que j'ai mis mon flingue, Étudiant poil aux dents et mon HLM notamment. Avec cette musique, on a une pensée pour tous ceux qui se battent sur leur lieu de travail ou ailleurs contre le capitalisme, contre l'exploitation. On pense à Goodyear, on pense au Canty. On pense à People and Baby aussi. On pense à tous ceux qui se battent et qui refusent que ça soit le patron qui fasse la loi. Ceux qui décident de monter des scopes. Ceux qui décident de vivre en autogestion. Un maximum de bruit à l'abribus. Un maximum de bruit au Molodoy ici. Qui arrive à rester un espace autogéré comme ça. Merci à tous ceux qui font tourner ces endroits. On les voit pas forcément. C'est des gens qui passent leur temps à ça. Parce qu'ils ont des convictions. Parce qu'ils se battent au jour le jour. Merci à eux. Ils n'ont qu'une seule tête. Ils n'ont Everybody wants to leave a trace. Everyone he wants to see the last embrace. You've been waiting here for too long. No one here that wants to see the fall. Everybody's gonna hold their breath. Everybody wants to see your face. Your head above from grace.

12 bières que je m'enfilais. Faut dire qu'on était samedi soir. Je n'ai tranquillement écroulé devant ma télé sur mon plumard. Il y avait Jean-Pierre El Cavada qui me racontait l'Afghanistan et la Pologne et le Liban. Le Salvador, il connaît pas. L'information pour ces mecs-là, c'est d'effrayer le prolo de bourgeois. La couche russe d'Ayatollah. Demain, faites gaffe, il va faire froid. Et à part ça, eh ben ça va. S'il se passe quelque chose, on vous le dira. La magonzesse quand dans la pioule, qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là. T'en as pas marre de ces marionnes, t'en as pas marre de leur tronche de rat. Je réponds j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater téléfoot. Cette soirée s'annonçait super, je me suis enfilé une bibine pour le numéro 1 Mick Jagger avec Dylan et Bruce Springsteen. J'avais pas bien lu, manque de bol, c'est le numéro 1 Bécassine avec une turlute à Guignol, une main au cul à Colombine. Si ça fait marrer Polardon, moi ça m'a carrément gonflé. S'en est fallu peu long de nom, je balance ma pierre dans la télé. Mais vaut mieux rire de ces crevures que de gaspiller de la nourriture. V'là ma gonzesse quand dans ma pioule, qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là. T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de leur tronche de rat. Je réponds j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater téléfoot. Après je me suis regardé Dallas, ce feuilleton pourri dégueulasse. Ça fait frémir le populot de voir tous ces enfants salauds. Ces ricains véreux pleins aux as, faire l'apologie du pognon, de l'ordurerie, de la crasse. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Et maintenant qu'on est socialiste, fini les feuilletons américains. On veut des feuilletons soviétiques, et même des belges, y'en a des biens. Y'en a un, c'est l'histoire d'une frite qui est amoureuse d'un communiste. Là ma gonzesse quand dans la pioule, qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là. T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de leur tronche de rat. Je lui réponds j'en ai rien à foutre chérie, je veux pas rater téléfoot. Alors elle me dit au lieu de tailler avec cette télé à la con, t'entends pas que ta gosse s'est réveillée, va lui faire chauffer son biberon. Puis si c'est pas trop te demander, faudra que tu changes la caisse du chat. Grouille-toi sinon tu vas rater, pire quand Johnny estompira. En arrivant dans la cuisine, je me suis dit tiens, un petit Ricard. Mais après mes 14 bibines, j'étais un petit peu dans le coltard. J'ai bu un grand verre de Blédine, je me suis vautré dans la caisse du chat. Et dans le biberon de ma gamine, j'ai mis de la sucre et du pastaga. La moralité de cette chanson, elle est super. Ah ouais, je veux, c'est que la télé, c'est très dangereux. Et le football aussi, un peu. Merci infiniment. À la batterie, c'est Amaury Blanchard. Amaury est fâché. Guitare Serge Saïd. Et Yann Benoît. Les chœurs et les percussions, c'était Klaus Blaskis et Sharon Glory. Au clavier et à l'accordéon, c'est Jean-Louis Roch. Il joue du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et au clavier et au saxophone, Pierre-Jean Gidon. Des fois on l'appelle Jean-Pierre. La sonorisation, j'espère qu'elle vous a convenu, a été assurée dans la salle par Gérard Trévignon, sur la scène par Nounours, et les éclairages par Jean-Yves Loye, et tout là-haut à la poursuite, Félix Bussy et Salim. Voilà, vous connaissez tout le monde. Vous connaissez aussi Germaine, ma copine Germaine, qui, dans une autre chanson, était partie jusqu'à Katmandou en autostop. Eh bien, elle est revenue à Paris, toujours en autostop. Elle se défonce toujours un petit peu la tête comme une malade. Ce qui a changé dans sa vie, c'est qu'elle habite plus du tout une chambre de bonne près de la Sorbonne. Maintenant Germaine, elle habite au 8ème dans mon HLM. Vous êtes toujours dans cette Vampire Freak spéciale 40ème. On vient de se faire un bon bloc Dub Conquoi en live de Dubamix, The Call de Supersonic, Come to the Dark Side de Be Now, Neanderthal de GRM et J'ai raté Téléfoot en live de Renault. On poursuivra cette émission en live avec Berrurier Noir et Captain Kirk. C'est de la compile Carnaval des Agités sortie en 1995. On peut entendre aussi Commando Pernod, Jim La Jungle et Vietnam Laos Cambodge. Tiens, on va se faire un bon morceau gothique et c'est une nouveauté. C'est La Dame de Darkoustics. C'est sur le sublime Outzone sorti en novembre 2015. On retrouve You, Dorca et Dancing Peace. Il vient juste de sortir le clip de La Dame d'Acoustics. Je le relirai sur la page Vampire Freaks, l'émission radio. Si on se faisait un vieux reggae dub, ok, ce sera Trial and Crosses de Dillinger. C'est sur l'album Dillinger, sorti en 1975. Et ouais, ça rajeunit pas. Hein. On peut entendre aussi African Worldwide, Jalove et Truth and Right notamment. Un précurseur, ce Dillinger, dans le reggae dub. Dommage qu'on l'ait quelque peu oublié. Mais c'est pour ça que la Vampire Freaks a été créée. Retrouver du vieux son qui déchire et découvrir des nouveaux talents. Je diffuserai ensuite les Arcanes de l'Esprit de l'Ordre d'Héloïse. C'est sur le Superbe, Après le Chaos, sorti en 2015. On peut entendre aussi Apocalypse, Coupé du Monde et Photosynthèse. Et on finira ce bloc en live avec Riders of Telly de Therion. C'est sur l'énorme double album Live in Midgard, sorti en 2002. On retrouve Invocation of Namaha, The Return et Birth of Venus Illegitima notamment. Il y a plus de deux heures de concert. Dans toutes les villes de France, sur toute la Terre, dans toute la galaxie, la jeunesse emmerde le Front National! Ok, Captain Kirsch! Allez, vas-y, Spot! Les gars sont au fond, ils cherchent la guerre, les avoirs du sang de la terre. J'ai la demande à dans des vases, les réfugiés à vue sur Mars. Where's Carteco? Where's Carteco? Where's Carteco? Where's Carteco? Les nuages brûlent des arbres, les enfants plus n'ont plus de larmes. Partout we'll be right back. fond de jeux et d'émoi. Sous un fleuve de charme, elle a fait basculer mon âme. Elle m'a sorti des bois, les bois sombres de la malfoi. En révélant son corps, elle m'a fait voir plus que la mort. Dans son corps, elle m'a fait voir plus que la mort. Make me suck your tongue and make me chew me. Say that I like. arcanes de l'être humain. Ces notions incomprises et d'une folle ou bien ceux qui sont des mensonges pour certains. Les arcanes de l'être humain. Bien ceux qui sont des mensonges pour certains, les arcanes de l'être humain. It's called The Writer's Home. The Writer's Home! The fucking Writer's Home! Alors on vient de se faire Captain Kirk en live des Berruriers Noirs, La Dame de Darkoustics, Trial and Crosses de Dillinger, Les Arcanes de l'Esprit de l'Ordre d'Héloïse et Riders of Telly de Therion. Cette 40e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Merci pour tous vos messages et dédicaces. J'en ferai d'autres la semaine prochaine et dédicace. Et comme je vais laisser les. Comme on arrive à la fin, on finira cette émission avec, en live avec Kiss et le grand classique I Was Made for Loving You. Parce que oui, j'ai. Et je suis fait. J'ai été fait pour vous aimer. C'est sur l'album A Live 4 Symphony, sorti en 2003. On retrouve aussi Let's Me Rock and Roll, Shandy, Black Diamonds, entre autres. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu!